patrouille, il est impressionnant. Les poings sortent de la mitraille, de son cul, des excréments. Il gagne toutes les batailles, il est fort et puissant. Il est né dans l'abîme, au plus profond d'un volcan. Et tous les cœurs s'abîment au contact de son gland. Super, super, super, il est vraiment super, super. Celle qui a un énorme pif et qui a un cerf-volant. Quand vraiment tout est perdu, que les keufs sont à la rue, y'en a qu'un qui peut le faire, le plus grand, c'est super. Super, hey. Super, oui. Super, chérie. Il est vraiment super, super. Dans les caves du monde entier, on dira à demi-ton de celui qui nous aurait sauvés, qu'il est mort.